journée de la formation professionnelle. Thomas Di Falco, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes chef du service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes. Et avec vous aujourd'hui, on va parler du perfectionnement professionnel. Par exemple, les brevets ou les maîtrises fédérales. Mais qu'en est-il des adultes qui n'ont aucune formation professionnelle ? Existe-t-il une solution pour ces personnes ? Alors oui, effectivement, il y a des solutions qui existent. Certaines personnes n'ont jamais réussi à terminer une formation professionnelle ou ne l'ont jamais faite pour des raisons privées parfois. Mais même si on est âgé de plus de 17 ans, il est toujours possible de faire une formation professionnelle à 25 ans, à 35 ans et même plus âgé d'ailleurs. Donc il est tout à fait imaginable pour toute personne sans formation de commencer une formation professionnelle. Alors il existe deux options. La validation des acquis ou alors l'article 32. Effectivement, il existe ces deux options, la validation des acquis ainsi que l'article 32. Une personne qui a un certain nombre d'années d'expérience professionnelle peut tout à fait se lancer dans une formation par le biais de l'article 32, c'est-à-dire qu'avec un certain nombre d'années d'expérience professionnelle, la loi nous permet de réduire la durée de la formation d'un tiers, ce qui veut dire que par exemple pour une formation professionnelle de 3 ans, eh bien, l'adulte qui se lance dans une formation va réaliser 2 années de formation, donc il économisera une année. Et maintenant la validation des acquis, là aussi une autre option. La validation des acquis, c'est un tout petit peu plus complexe, mais c'est aussi un système tout à fait intéressant. De nombreuses personnes ont des activités professionnelles différentes, ont plein de compétences au fur et à mesure des années qui passent, changent de travail, changent d'activité, etc. Donc on acquiert au fur et à mesure de la vie un certain nombre de compétences assez importantes qui ne sont pas nécessairement certifiées. Une personne qui veut faire la validation d'acquis, par exemple une personne qui souhaite obtenir un CFC d'assistant socio-éducatif, eh bien, vu que cette personne-là a par exemple effectué 2 ans de travail dans une crèche, ensuite 3 ans dans un home, toujours en qualité de personne qui réalise des tâches socio-éducatives, elle a acquis plein de compétences. Mais maintenant la question c'est, et la certification ? Par le biais de cette validation d'acquis, on peut tout à fait imaginer que des experts de la branche professionnelle vous auditionnent, vous observent et vous analysent. Et puis votre travail, c'est d'apporter des preuves de votre expérience et de vos compétences dans la perspective de valider un certain nombre d'acquis. Ce qui veut dire que sur une formation en 3 ans, peut-être que vous avez acquis les 3/4 des compétences qui doivent être acquises en principe sur les bancs d'école, et puis qu'il vous reste environ un quart ou un certain nombre de modules à acquérir que vous devez compléter. Et donc les experts professionnels vous disent, il vous reste le module concernant la thématique X ou Y à accomplir, et là vous vous rendez alors sur les bancs d'école. Mais ça veut dire qu'au lieu de faire une formation en 3 ans, eh bien vous avez peut-être juste un module ou 2 modules d'un mois ou de 2 mois à accomplir. Et c'est un moyen d'éviter de passer par la case de l'école. Et donc, ça nous permet d'effectuer uniquement des compléments de formation théorique ou pratique pour les domaines qui n'ont pas été validés par les experts. Merci Thomas Di Falco. Je rappelle que vous êtes le chef du service de l'orientation professionnelle et de la formation des adultes.